en direct des studios 5447, vous écoutez JF et compagnie. Et voici votre animateur, JF Cromp. Ah oui, mesdames et messieurs, oui, bonsoir et bienvenue à ce 7e épisode de JF et compagnie. Ah, épisode du lundi 13 juin 2011, mesdames et messieurs, oui. JF et compagnie, oui, ce show où l'animateur ne se prépare pas d'intro. Bonsoir tout le monde, bonsoir, salut, salut, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans JF et compagnie. Ah, au micro, aujourd'hui et comme toujours, mon nom est Jean-François Cromp, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à JF Cromp. Ah, alors, comme je disais, lundi 13 juin, bon début de semaine tout le monde. Bienvenue. Gros show ce soir, on a un invité, on a Guillaume Ecclesio sur Twitter qui va venir nous parler de boxe et de MMA qui a eu lieu en fin de semaine. On a une grosse nouvelle concernant Young, un gros projet pour nous qui s'en vient. Également de la bonne musique de Bébite et des Hommes Cellophane ce soir, nos deux nouveaux groupes qui on est maintenant pod safe avec eux. Donc on va vous jouer de la bonne musique ce soir, mesdames et messieurs. Écoutez... Comme vous pouvez voir, on est au mois de juin, donc presque mi-juin, le 13 juin en fait. Et puis j'ai une petite veste sur le dos parce qu'il fait très froid. Et il a fait 40 la semaine passée et puis là aujourd'hui c'est à peine s'il fait 12, mesdames et messieurs. Hey, mère nature, prends ton lithium, maudite folle. Voilà, c'est dit. Ah, mesdames et messieurs, bonsoir et caméra 2, salut. Ah, écoutez, on a un gros show et puis... Bon, un gros début de semaine et puis grosse fin de semaine, grosse fin de semaine, on est allé au Mondial de la bière samedi à Montréal. Donc on était là, toute l'équipe ou presque de JF et compagnie. Et comme à notre habitude, on a été tester un peu toutes les bières qu'il y avait là. Et puis, bon, on se rend compte qu'on est plus jeune hein, et puis on n'a plus l'âge pour faire ça nécessairement. Surtout pas pour se lever à 7h le lendemain matin pour aller faire un petit cours de cuisine thaï à Montréal. Mais ça, c'est un autre sujet, on en reparlera, mais donc le Mondial de la bière, oui, ben écoutez, très gros party, on a rencontré du monde qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, et puis on a été invité VIP sur la terrasse Boris en haut du Hilton. On a filmé des petites vidéos, là. On n'a pas filmé autant qu'on aurait voulu, parce que il y avait vraiment beaucoup de bruit en bas, mais j'ai quand même quelques extraits vidéo à vous montrer, donc ça sera dans l'émission de mercredi, on va vous montrer ça, des extraits du Mondial de la bière, mesdames et messieurs. Et oui, présentement, c'est le dernier match de la Coupe Stanley. Ben, en fait, l'avant-dernier match, si besoin se fait sentir, entre les Bruins et les Canucks. Les Canucks qui mènent 3-2 dans la série. Et présentement, on est en première période et c'est déjà 2-0 pour Boston avec 13 minutes 54 à faire. Eh bien, est-ce qu'on va se rendre à un 7e match? Ça a l'air parti pour ça, mesdames et messieurs. Je sais pas ce qui se passe, j'écoute pas le match présentement. Est-ce que Luongo est en train de s'écraser? Écoutez, on en reparlera peut-être mercredi avec Alex avant la finale, notre chroniqueur Alex Gallipo, chroniqueur hockey. Écoutez, ça reste à voir, mesdames et messieurs. Eh bien, avant de commencer le segment boxe avec Guillaume, je voulais faire une petite nouvelle en passant comme ça. Il y a quelqu'un qui a envoyé une photo sur Twitter aujourd'hui. La banderette a envoyé une photo d'une... Ça a l'air d'être genre des pancartes dehors sur la rue là, qu'on colle sur les... quand il y a des constructions, là, en fait, d'une sortie d'un CD de Jean Leloup, qu'on peut voir ici, donc qui s'appelle The Last Assassins. Et on n'a pas vraiment de détails, je sais pas si c'était sorti dans les médias avant ou quoi, mais donc, projet commun de Leloup avec trois autres personnes. Donc ça sort demain, on va avoir l'occasion de vous en reparler probablement. Moi, j'aime bien Leloup d'habitude, ce qu'il fait. Je sais que c'est un ami qui adore ça aussi, donc on aura probablement la chance de faire une petite chronique musique là-dessus, éventuellement, donc après l'écoute de ce CD. Bien, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler boxe et on va parler UFC. Il y a eu des gros événements en fin de semaine, des gros combats. Et puis, premièrement, le premier combat qu'on va vous montrer, que je vais vous parler dans le fond, c'est Carl Froch contre Glenn Johnson. Écoutez, ça a tapé assez solide. Là, j'ai pas vu le combat, j'ai vu les highlights. Ça avait l'air de frapper vraiment, vraiment fort dans ce combat. Eh bien, écoutez, on va en parler avec Guillaume Comeau. Mais avant tout, je vais vous montrer le vidéo. Je vais vous montrer un petit 2 minutes, un recap de ce combat-là. Et on appelle Guillaume pour parler de boxe et après ça de UFC. Là, il y a eu Dos Santos contre qui déjà? Dos Santos contre Shane Carwin. On en reparlera après avec Guillaume. Mais donc là, présentement, je vais vous montrer un petit recap du match de boxe entre Carl Froch et Glenn Johnson. Donc, je vous montre ça. montré le début. 30-year-old Mikko Kessler fighting in his homeland is looking to rebound from his loss to Andre Ward and his WBA world title against 32-year-old Carl Froch, the champion, brash, bold, undefeated, and confident. Round one, scheduled for 12. MCH Center, the WBC super middleweight world title on the line in the Super 6 World Boxing Classic. Sometimes he doesn't have the skill level. Oh, beautiful right hand by Froch, right on the button of Kessler. Froch coming in wild. You can feel the pace picking up, and here's the wild card. It's the left hook. And Froch, but a looping right hand by Carl Froch, and Kessler's down. But did he slip? Mais est-ce que c'est pas très fluide là, ça vient de YouTube. Oh, mais on voit que ça tape assez solide. Kessler looks woozy. Kessler trying to deliver. Donc ouais, ça cogne assez solide dans ce combat-là, à ce qu'on peut voir là. It hit him on the back of the head. Now Kessler moving in. He's gaining confidence. Kessler loading up on. C'est pas de la boxe sur la défensive en tout cas. Nice staggering right hand by Kessler, and Froch is hurt. Kessler, can he finish him? Froch, blood net on the bridge of his nose. Kessler putting his punches together. And he's tried the uppercut a few more times. Écoutez, on va arrêter à l'instant parce que, à ce qu'il paraît, j'ai pas le bon vidéo, donc on va appeler Guillaume tout de suite et puis on va. Écoutez, on va voir ce qui s'est passé. Il m'a pas donné le bon extrait, donc c'est pas grave. On va l'appeler à l'instant à voir ce qui se passe. Ah, la magie du direct et de pas être très préparé, c'est bien correct ça. Ouais, monsieur Como, bonsoir. Ça va? Ça va? Oui, ferme ton son en arrière, on a du feedback. Là. Ouais, je ferme ça là. Clac. Donc, on n'avait pas le bon ben, vidéo. Bonsoir, on n'avait pas les bons vidéos, ça a l'air? Non, c'est ça, dans le texte que tu m'as même envoyé, tu m'as même confirmé que c'était Johnson puis Froch, mais je sais pas si t'as remarqué, mais c'est Kessler versus Froch, ça. Ben, c'est un très bon fight aussi, ben, mais, non, mais l'année d'avant, ça. Honnêtement, je suis sûr... sur YouTube, puis c'était ça qui était marqué, donc ah ok, c'est pas la bonne date. Bon, mais si, ils ont marqué le mauvais nom dans le fond là. Moi j'ai pas vu le combat, ouais, j'ai ça, pas remarqué. Ah. Mais en tout cas, écoute, on a quand même vu un autre combat. Moi j'ai enjoyé ça parce que je l'avais vu vraiment sporadiquement ce fight là, fait que je suis bien content. T'sais, j'ai placé le mot sporadique et la conversation continue. Et oui, donc, mais écoute, là j'avais pas les bonnes choses, je vais peut-être essayer de trouver des photos de ça, mais... Écoute, qu'est-ce qui s'est passé de bord de bon dans ce combat-là pour que tu veuilles qu'on en parle? Pis que... Ben, c'est parce que c'est un gros combat pareil, parce que c'est directement lié à Lucien Buté à la fin, parce que ça fait partie du tournoi de Showtime, le réseau de câbles de distribution, dans le fond, pour... Okay. C'est ça le Super Six, puis c'est tout le monde de 168 livres, les Super Middleweights. Okay. Puis la seule personne dans le top mondial qui n'est pas dedans, c'est Lucien Buté. Puis lui, il vient de signer un contrat avec Showtime, puis ça lui garantit de se pogner contre le winner de ce tournoi-là. Puis là, Froch versus Johnson, c'était le dernier combat de la semi-finale, parce que t'as déjà Andre Ward qui avait sa place sécurisée dans les finales. OK. Puis c'était tout un combat. Johnson, un vieux vétéran, il était dans la light heavyweight division pas mal toute sa carrière, puis là, comme... Il s'est fait inviter pour remplacer Andre Durrell, qui était blessé, qui a fallu qu'il retire du tournoi. Puis, tu sais, c'est un gros gaillard pareil, là, si on... Tu aurais des photos à un moment donné, là, si le monde peut aller voir, anyway, sur YouTube, là, t'es obligé de te faire pour eux autres, là, GF, là, toi. Ah, moi, font leur propre recherche. Moi, je donne, c'est un show, là, écoute, je me donne, écoute. Ouais, ouais, ça, c'est ça, là, mais là, tu vois, on va attendre qu'ils commencent à donner l'argent, là, après ça, on leur dira, on leur fera leur propre recherche. Effectivement, donc, je vais me partir un compte PayPal bientôt, là, puis vous pourrez faire vos donations généreuses, là, à coût de 100$, là. Oui, donnez tout de suite, puis après 5 donations, vous recevez une boîte mystère. Oui, oui, oui. Ah, écoute, comme tu dis, c'est relié avec Lucien Buté, ce combat-là. Oui, c'est ça, fait que Johnson a fait tout un fight ce combat-là, mais Froch a gagné la décision unanime dans vraiment un hard-hitting match. Là. Les deux gars essayaient vraiment de se tuer dans le combat, là, puis... C'est vraiment la vitalité de Carl Froch, puis son stamina, je te dirais plus que à chaque fois que Glenn Johnson, il frappait comme un bon shot, l'autre, il en donnait comme 5, là. Fait que OK. C'était vraiment plus là, la jeunesse qui a battu l'expérience là-dessus. Fait que ça va faire un très bon combat. Puis là, je vous le dis aux amateurs out there, là, Frog versus Ward, ça va être tout un événement de boxe, ça. C'est quand, ça? J'ai extrêmement hâte que ça arrive. Y a-t-il une date de prévu pour celle-là, ou... La finale, d'après moi, ça va être fin automne, peut-être Noël, dans ce coin-là, là, pour okay. le donner aux deux gars le temps de s'entraîner et tout. OK, OK. Puis après que ça, c'est fini, ben Buté, il va se pogner automatiquement contre le winner, là. Fait que ça va être intéressant pour voir la première fois que notre petit Lulu national va se pogner contre quelqu'un qui a de l'allure. Fait que ouais, genre de voir ça. Donc, pourrait faire sa carrière au complet, ça. Ouais, donc c'est à voir. On va vous donner les dates dès qu'on sait ça. Puis l'autre combat qui a retiré ton attention fin de semaine, Dos Santos contre Shane Carwin. Écoute, je vais montrer des photos pendant que tu parles. J'en ai une bonne batch ici là, qui vient de UFC. Donc, je vais mettre ça pour le monde pendant que tu vas parler. Ben ouais, ben ouais, vas-y donc. Donc, ouais, donc je passe les photos là. Ah, OK. Fait que, ouais, c'est ça, Carwin, que moi j'avais dans. Fait que, il était pas le favori, mais moi je pensais qu'il allait gagner, que c'était le plus gros gars des deux. Puis il y a des mains, ils disent. T'as des gants, faut que tu portes pour la UFC, ouais, ouais. Puis lui, il a des mains 4 XL. Tabarouette, OK. Il a les plus grosses mains dans la UFC. OK. Fait que tu sais que ce gars-là, il te connecte lent, il te connecte vite, il te connecte n'importe où, il connecte, t'es pas mal, you're going down, tu sais. Mais là, je il a déjà fessé Brock Lesnar, puis ça avait fait de la controverse, parce que Lesnar, il était à terre, il était quasiment knock-out, puis le ref avait pas arrêté le combat, puis sa seule défaite, c'est au deuxième round de ce combat-là, Lesnar l'a choqué out. Ah ouais. Mais c'était un coup de luck. Moi, je te dirais, Brock Lesnar était dans le merde dans cette fête-là. Puis l'autre, c'était, t'avais Junior Dos Santos, que lui est même record, 12 victoires, une défaite. Puis c'est un petit bâton de dynamite. Là, ce gars-là, il boxe, puis il est violent. Puis il a donné une méchante volée à Shane Carwin. Shane Carwin, la face. Ouais, c'est ça qu'on a pu. On vient de montrer au monde. Là, vraiment, là, l'œil a moché, plein de sang en face. Là, il y a du sang partout, ses pantalons de l'autre gars, là, sur ses jambes. Ah, il a jamais été capable de vraiment lander un bon rip sur Dos Santos, qui bougeait très bien ses pieds. Il était vraiment la vitesse était là, la précision. Un peu comme Saint-Pierre avait fait avec Josh Koscheck. Il allait vraiment avec le jab, puis il l'a dit après. Le but, c'est de frapper puis de pas se faire frapper. T'sais. C'est pas juste frapper l'autre gars. Faut que tu fasses attention. Un gars comme Carwin, te connecte une fois, c'est fini. Fait que c'était comme je t'avais dit au Mondial de la bière, c'était tout un bloodfest. Ouais. Mon Mondial de la bière, donc encore cette année, on était là. Écoute, j'ai des petites vidéos. Je vais montrer ça mercredi. J'ai pas le temps de monter ça encore. Là. C'était assez intéressant. Hein? Ouais, c'était vraiment cool. Là, la bonne Pepper Beer, puis entre autres, puis d'autres bières de même. Puis. Toutes les filles dans toutes les booths de beer, ça c'est aussi un plus, je te dirais. Là. Un plus, mais ouais. Écoute. Hey, puis. La nouvelle emplacement aussi, c'était merveilleux. Là. Ouais, ouais, comparé à l'année passée. L'année passée, c'était. C'était où la place déjà? C'était pas. C'était à Gare Windsor l'année passée, ouais. Puis c'était dehors, puis c'était vraiment petit. Puis on a été pognés, nous autres, toi puis moi, à l'extérieur, pendant que le monde était en dedans, en train de boire. Nous autres, on était à pluie l'année passée. Cette année, c'était à Bonaventure, puis il y avait pas mal plus de place, là. Autres, ah ouais, c'est assez incroyable, là, quand on était tout 30, là. Ouais, c'est ça, là. Mais cette année, c'était pas mal différent, puis en plus, on a eu accès à une terrasse, nous autres, en haut, donc c'était assez bien comme journée, cette année, le Mondial de la bière, là. Ouais, c'était bien cool, moi, j'aimais un super après ça, mais on a bien bu, et c'était bien la fin. C'était bien le fun, mais écoute, parlant de bien boire, tu voulais qu'on parle aussi un peu du film Hangover 2, que t'es allé voir, je présume, là. Ben oui, mais il m'a dit que vu que c'était frais dans ma tête, je viens juste de sortir du film, là. Hangover 2, puis si vous avez aimé le premier, moi, que ma personnelle recommandation, c'est pas un mauvais film, c'est même very entertaining, c'est juste, c'est le même film. Ouais, c'est ce que je sais que les writers, la manière qu'ils ont écrit le deuxième, c'est qu'ils ont pris le premier, puis ils ont fait, OK, là, c'est un joke-là, qu'est-ce qui remplace ce joke-là? OK, ben là, il va faire ça, puis c'est comme le film, il avait déjà été écrit, c'est comme ils vont à travers toutes les same motions, ils se posent les mêmes questions. OK. Mais par exemple, ils réalisent eux-autres même qu'ils font ça parce qu'ils sont très référentiels à leur propre affaire, là, tu sais. Okay. C'est pas comme s'ils l'ignorent qu'ils font ça. C'est comme je vous dis, c'est très drôle, mais moi, je vous dirais, c'est pas comme s'il y a des gros special effects, que vous avez besoin d'un gros écran ou d'un gros son. Non, c'est sûr. C'est un bon film, mais moi, je vous dis, attends qu'ils sortent en DVD ou en Blu-ray, puis achetez-les, mettez-les à votre collection, puis c'est sûr que vous allez rire. Ouais. Ben écoute, Bon commentaire, mais merci du commentaire sur Hangover. On va attendre qu'il sorte en Blu-ray, coudonc. Ouais, moi, c'est comme je vous dis, c'est ça. Puis, tu sais, c'est. Vous avez aimé le premier, c'est un must-see, c'est sûr, mais pas nécessairement payer 15$. Ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, ça, tu vois le on est pour 15$. T'sais, honnêtement, je vais dire, il n'y a plus grand-chose pour moi, là, à ce heure, qui vaut 15$ pour aller au cinéma. Puis, t'es sûr que du monde qui parle puis qui font du play-by-play pendant le film à côté de toi, là. Non, c'est sûr. Puis, personnellement, j'ai été chanceux sur les deux derniers films que je suis allé. Thor, c'était moyen, mais X-Men First Class, c'était très bon, là. Ouais, ça a l'air bon. J'ai vraiment bien aimé, personnellement, là. Puis, avec les nouvel écran AVX, là. Ouais. C'est hot, là, avec le vieux siège qui bouge, là. Fait que. Mais tu sais, c'est pas de quoi aller à toutes les semaines, là. Ouais, effectivement. T'hypothèques ton budget quand tu vas au cinéma à Star. C'est dégueulasse, là. Ouais, pas quand on a l'Internet comme qu'on a là, puis qu'on peut au pire aller juste downloader le film dès qu'il sort. Ah, il y a ça, il y a on ça. On a attendu 2 ans pour un film, on va attendre 3 mois de plus, puis tu vas l'avoir sur ton ordi direct gratuit, puis en high resolution. Ouais, c'est ça. Écoute, avec les services à Star, là, ça vaut plus aimer la peine. Des high fives à tout le monde, mais pas à ceux qui payent pour faire le film. Eux autres, ils n'ont pas de high five. Non, vraiment détail. Pas. Détail. Ben écoute, merci Guillaume d'avoir été là ce soir pour encore une belle chronique UFC, MMA, box. Puis écoute, ouais, c'était très sympathique. T'as un thème musical qui s'en vient apparemment. On a parlé à Martin en fin de semaine, notre musicien qui fait nos thèmes ici à Jeff et compagnie. Là. Apparemment, t'aurais un thème pour tes chroniques box MMA là, qui s'en vient, qui est en préparation. Ooh, I like that. On va voir ce qui va se passer avec ça, donc stay tuned. Yeah! Okay, merci d'avoir été là, Guillaume. Ciao! À la prochaine! Ah, donc, mesdames et messieurs, c'était Guillaume Como. Guillaume qui sort de l'anonymat, donc qui oublie le Guillaume C, qui devient Guillaume Como. Donc, Ecclesio sur Twitter. Vous pouvez aller le voir, insulter Jean-Pascal sur Twitter. Donc, c'est très, très divertissant, mesdames et messieurs. Ah, mais écoutez, on va aller entendre une première chanson qu'on a dans notre listing aujourd'hui. Et ça nous vient du groupe Les Hommes, c'est le fan. On va écouter Les Zombies se lèvent et je vous reviens après ça avec d'autres informations. Restez là, mesdames et messieurs. les zombies se lèvent et les hommes cellophane, mesdames et messieurs. Donc, les zombies se lèvent. Les hommes cellophane, le projet, le vidéoclip qu'on est en train de faire, dans le fond, présentement, David et moi, pour Young Media. C'est notre projet qui est en cours. Ça devrait sortir dans les prochaines semaines, idéalement avant la fin juin, là, ce qu'on aimerait faire. Donc, c'est leur premier vidéoclip aux hommes cellophane. Et c'est sur la chanson qu'on vient d'entendre, les zombies se lèvent. Donc, ça devrait sortir bientôt. Ah, stay tuned, comme je disais tantôt, vous allez avoir plus d'informations dans ce show. Ouh, écoutez, on prend ça relax un petit peu, là, on se calme, et puis on y va mollo, on a eu une grosse fin de semaine, fait qu'on boit un petit thé, un petit rooibos, là. Ah, c'est excellent, pour la santé. Bon, écoutez, c'est la finale de la Coupe Stanley, comme je disais, et puis on est rendu au match numéro 6 dans la série. Et présentement, c'est... oh boy, c'est rendu 4-0 pour Boston avec 7 minutes 35 à faire en première période. Écoutez, comme je disais tantôt, j'écoute pas le match. J'ai l'impression que Luongo s'est encore une fois écrasé. Écoutez, ça semble s'en aller vers un match numéro 7. Ça va être très excitant s'il y a un match numéro 7. Donc, on en reparlera avec Alex éventuellement. Je vais venir au courant d'ici la fin de l'émission... si le pointage change, mais donc présentement, c'est 4-0 Boston en milieu de première période. Écoutez, également, en fin de semaine, il y a eu des événements dans la course automobile. Il y a eu de la F1 à Montréal, donc le Grand Prix de Montréal qui a eu lieu en fin de semaine. Il y a eu de la pluie, ça a l'air qu'il y a eu des conditions très difficiles. De ce qu'on a vu, la course a été arrêtée plusieurs heures et on pensait tous que c'était Vettel qui allait gagner. Oui, Sébastien Vettel, est-ce que c'est ça son nom, je crois? Oui, Sébastien Vettel, oui. Donc, on croyait que c'était lui qui allait gagner la course. Et puis, finalement, il s'est fait doubler par Jenson Button en toute fin de course à cause qu'il a dérapé dans l'eau. Et puis, Jenson Button qui est venu gagner la course à Montréal à la toute fin de la course. Donc, dans l'ordre, les trois premiers pour le Grand Prix de Montréal furent... Jenson Button, Sébastien Vettel et Marc Weber, donc, qui ont fait... les trois meilleurs temps. Et également, il y a eu le 24 heures du Mans en fin de semaine et il y a eu deux gros accidents d'auto. Pas eu de blessés, heureusement, mais des méchants accidents. C'était vraiment impressionnant. Je vais vous les montrer. J'ai ici en vidéo. Laissez-moi juste cadrer mon vidéo comme du monde. Le premier que je vais vous montrer, c'est Alan McNish, en fait, qui a crashé la Audi numéro 3. De façon assez violente, et je vous montre ça immédiatement. And there we go. This is a massive crash, and this is Alan McNish and the Audi 3. Look at that. Wow. It's absolutely. I mean, it's. C'est tout un impact. That is an Audi we're in, and they just see Alan sort of. Le plus fou là-dedans, c'est que Alan McNish est sorti en marchant de sa voiture. You just see, he turns in, yeah. But then they approach so quick, and that's just such a violent. C'était très violent. Now the good thing is, look at Alan McNish. Okay, the courageous Scotsman comes out, much to the applause and the appreciation. I think, you know, a sigh of relief, of course, from Wolfgang. Ouais, donc Alan McNish qui en est sorti indemne de ce crash-là, assez impressionnant. Par contre, le deuxième que je vais vous montrer, j'imagine que la personne s'en est sortie indemne également. Là, c'est un autre crash d'une Audi, donc la Audi numéro 1 qui s'est crashée. Ça s'est passé de nuit dans le 24 heures de Le Mans, et puis c'est Rockefeller qui a fait. Écoutez, c'est marqué Heavy Crash sur YouTube. J'appelle même plus ça un Heavy Crash. Ça... Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. C'était assez violent. Merci. Regardez ça. Even trying to break hard and avoid the impact. And the pictures here, I mean, the quality is really remarkable considering it is a circuit camera. But again, you know. No, Martin, I think that's a locked off camera. I think they've taken somebody off the podium there. I think you are quite possibly right. Again, from the onboard view. You know, we talked about Alan McNish's accident, and Stuart, you said it at the time, you know, the more bits there are flying off, the less energy there is around the drive. Ouais, donc l'accident, on a vu les pièces qui ont volé partout. Grosse fin de semaine de course. Écoutez, une grosse fin de semaine dans le monde du sport, avec la série de la Coupe Stanley, la F1, le 24 heures du Mans, la boxe, la MMA. On est gâté côté sport quand même. Écoutez, on n'a pas à se plaindre. Écoutez, j'avais dit que j'avais une grosse nouvelle concernant Young, donc un projet qu'on a eu, on attendait une confirmation, et puis on a été accepté finalement, ben pas accepté en fait, mais on a eu la confirmation que c'est nous autres qui allaient faire le projet. Donc, je vous avais parlé que le 23 juin 2011, cette année, donc au Club Soda, il va y avoir un show qui va s'appeler La Saint-Jean des humoristes, animé par Martin Petit et Laurent Paquin. Eh bien, c'est Young Media qui va filmer l'événement et qui va faire des capsules le lendemain sur Internet. Donc, je ne sais pas encore de qui ça va être, les capsules. C'est certains humoristes qu'on m'a dit qu'ils allaient faire des capsules. Mais donc, oui, on a eu ce petit contrat-là. Donc, il reste encore des billets. C'est encore le temps d'en acheter si vous voulez venir avec nous voir ça et fêter avec, avec toute cette belle gang d'humoristes. Donc, ça commence à 8h. Et puis, dans les humoristes qui sont reconnus, dans le fond, là, déjà établis, on a Laurent Paquin, Jean-François Mercier, Dominique et Martin, Dominique Paquette, Mario Bélanger, Sylvain Larocque, Benoît Paquette, Nadila Benyoussef, Martin Perisolo et Martin Petit, Laurent Paquin également. Et plusieurs humoristes de la relève. Et après le spectacle, ça se transforme en party. Il va y avoir un DJ, puis on va fêter avec les humoristes qui vont être présents. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez venir voir un bon show d'humour québécois pour la Saint-Jean, et puis faire le party avec nous autres, puis avec une gang d'humoristes, la Saint-Jean des humoristes, mesdames et messieurs, c'est en direct du Club Soda. Donc, il reste des billets. Allez sur le site du Club Soda directement. Vous allez pouvoir commander ça. On est très, très, très, très content, je peux vous dire, chez Young Media, d'avoir eu ce petit contrat-là. Écoutez, depuis là, qu'on a fait le show du mot de la Croix Geek, ça n'a pas arrêté. On a eu la Croix Geek, on a eu le Twitter d'après ça, puis là, on a eu la Saint-Jean des humoristes. Sky is the limit pour Young Media. On est bien, bien content. Et puis, ce soir, j'étais supposé avoir mon co-host, David Thibodeau, Mr. Miniweight sur Twitter. Il était supposé commenter avec moi cette bonne nouvelle. Malheureusement, on a un problème technique. Son ordinateur est brisé, donc David qui pourra pas faire l'intervention pour les prochains shows tant qu'on trouve pas le problème avec son ordinateur. Mais écoutez, quand même, pour Young Media, les projets ça lâche pas. On est encore, comme je dis, avec les hommes cellophane qui s'en viennent, et puis on a la Saint-Jean des humoristes également qui s'en viennent. Mais écoutez, sur ce, mesdames et messieurs, on va aller faire une deuxième pause musicale. On va aller écouter 8 jours semaine du groupe québécois Bebit. Et on revient pour terminer le show, mesdames et messieurs. Vous êtes dans GF et compagnie. Restez là. C'était Bebit et 8 jours semaine, donc la version québécoise francophone de 8 days a week. Hey, je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'avoir du Bebit et puis les hommes cellophane sur mon show. Merci les gars des deux groupes, c'est très, très apprécié d'avoir vos chansons libéré de droit dans le fond dans mon podcast. Très très le fun, permet de diversifier puis de faire un jour un peu de musique québécoise. Puis écoute, on est toujours pour ça, faire jouer de la musique québécoise quand c'est bon et c'est bien fait, ça nous fait plaisir. Ben écoutez, c'est la fin du show aujourd'hui, c'est un petit show relax, le petit show du lundi là, qu'on a eu une grosse fin de semaine puis qu'on est plus jeune là. Écoutez, c'est ça qui se passe. Ça fait deux shows là, que je fais là, qui sont que personnellement je trouve moyen. On dirait que j'ai comme topé là, le 5, là, l'épisode 05 qui était probablement le meilleur à date, et puis là ça fait deux shows que je suis un petit peu déçu. La barre est très très haute, mais c'est peut-être juste moi aussi là, qui est déçu. Mais écoutez, on va se forcer puis on va continuer à en faire, puis ça n'en prend des mauvais pour en faire des excellents, mesdames et messieurs. Mais c'était pas si pire que ça quand même là. Écoutez, je vais rien enlever là, c'est pas parce qu'on fait des erreurs incroyables que le show est mauvais. Comme passer des mauvaises vidéos de combat, puis parler d'un autre combat, c'est tout le temps le fun, et tout le temps incroyable. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous dire également que présentement, dans le sixième match de la Coupe Stanley, c'est encore 4-0 Boston avec 2 minutes 51 à faire en première période avant de vous laisser. Ah, donc, ben écoutez, un gros merci à Guillaume Como. Oups, ça c'est mon nom à moi, donc oui, une autre erreur incroyable. Donc merci beaucoup à Guillaume Como, Ecclesio sur Twitter, qui était avec moi tantôt pour me parler de boxe et de UFC, puis qui m'a également glissé un mot sur le film The Hangover 2. Ben, je vous invite à être là mercredi dès 20h30, encore une fois sur jfchrome.young.ca/live dans le show de mercredi. Gros show avec du contenu et également, comme je vous ai dit au début, on va avoir des vidéos du Mondial de la bière. On a couvert ça un petit peu. Également, on va avoir Samy qui revient cette semaine, Samy Bessette, pour la chronique impertinente de la semaine. Je peux même pas vous dire c'est quoi cette semaine, j'ai aucune idée, c'est une chronique surprise mesdames et messieurs, donc suspense, soyez là, ça risque d'être encore une fois incroyable. Et puis également sur le show, si ça continue comme ça, il risque d'avoir un septième match pour la Coupe Stanley, donc on essaiera d'en parler avec notre chroniqueur hockey Alex Gallipoul. Donc Alex, ce soir, qui ne pouvait être avec nous parce que le pauvre, tu sais, la trentaine, lui, ça y fait pas. Faut qu'il se repose là, après avoir fait des grosses fins de semaine de party là, comme ça, et d'être allé boire un peu de bière au Mondial. Donc, on lui laisse se reposer. On va lui parler probablement mercredi avant le dernier match de la Coupe Stanley s'il y a lieu. À moins que les Canucks fassent une remontée incroyable là, ce soir, ce qui me surprendrait là, parce que une fois que c'est parti de même, tant mieux, c'est difficile à arrêter. Mais sait-on jamais, mais peut-être qu'on va se revoir mercredi, oui, pour le septième match de la Coupe Stanley. Donc, c'est à voir, mesdames et messieurs. Donc, mon nom est Jean-François Cromp. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à JF Cromp. Et mesdames et messieurs, c'était JF et Crompanie. Merci d'avoir été là et bonne fin de soirée tout le monde. On se revoit mercredi prochain à 20h30. Salut tout le monde, ciao. JF et Crompanie était une présentation de Young Media.